plus comment faire. Dis-toi, c'est souvent ceux qui sont le plus proches qui parlent sur toi. T'as grandi avec et certains ont mangé et même dormi sous ton toit. On s'était dit à la vie, à la mort, rappelle-toi, ça c'était la bonne époque. On s'était fixé un but, on avait la taille, dormi sous la belle étoile. Et il le fallait, je t'écris la vie de mes frères qui défilent au palais. Suffit d'un coup de filo pour que tu disparais. Je préfère une vraie parole que te voir ce qui paraît. J'ai plus d'un litre dans la cabine. Ça, je cuisine sale dans la cabine. Ça, je sens que le sang va être une praline. Sale, et j'en passe une pour tous mes frérots. J't'arrête, du rap écouté par les tarés. J'suis si sale au fond de moi, j'voudrais me barrer. Depuis le temps qu'on se laisse aller. Le système fait tout pour qu'on soit égaré. Faut être conscient de ceux qui veulent nous faire avaler. Ils veulent détourner nos regards en des vraies valeurs. Comment te dire pour eux l'addition sera salée. Moi, j'suis pas du genre à baisser mon franc pour un salaire. J'me prends la tête, des fois je galère. J'oublie pas c'est que du sang, tu me fais tes manières. J'baisserai pas mon pantalon pour un gros salaire. Pour un gros salaire, principe et valeur. J'me prends la tête, des fois je galère. J'oublie pas c'est que du sang, tu me fais tes manières. J'baisserai pas mon pantalon pour un gros salaire. Pour un gros salaire, principe et valeur. Comment faire? Des fois c'est souvent ceux que tu connais le moins qui sont là pour toi. Des fois la vie c'est bizarre, j'en mets souvent en question tous mes choix. On fait du mal aux gens qu'on aime, mais c'est seulement après qu'on s'en aperçoit. Une fois que t'es tout seul, une fois qu'autour de toi, y'a plus personne.